La compagnie des auteurs, c'est maintenant, elle vous est proposée par Didier Pinault, Corinna Maran, Vanessa Prévost et Eva Lesseau à la réalisation Laurence Millet, à la console aujourd'hui, Juliette Delperrou. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, troisième étape de notre parcours dans la vie et l'œuvre de Mario Vargas Llosa. C'est un conteur magistral dont nous parlons cette semaine dans la compagnie des auteurs, un écrivain qui a poussé l'art du roman jusque dans ses retranchements sans jamais sacrifier ni l'efficacité de la narration, ni l'inventivité et la poésie propre à la littérature. Né en 1936 au Pérou, il a vécu en vrai cosmopolite et continue d'ailleurs de le faire entre Madrid, où il réside principalement, Paris, qu'il a longtemps habité, et Lima, la ville de sa jeunesse. Nous en parlions lundi avec Stéphane Michaud. Hier, nous avons poursuivi son portrait, c'était avec son traducteur et ami Albert Bensoussan, qui a en particulier raconté tout l'intérêt pour la politique de celui qui s'est présenté à l'élection présidentielle péruvienne en 1990. Demain, focus sur deux romans en particulier, La tante Julia et le Scribouillard, ainsi que La fête au bouc, ce sera avec Guy Scarpetta, et puis en seconde partie, Zoé Valdés donnera son point de vue de sud-américaine sur le grand écrivain péruvien. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlons de la violence dans l'œuvre du prix Nobel de littérature 2010. Claire Sourpe est mon invitée. Elle est maître de conférence à l'université de Rennes et l'auteur d'une étude sur le sujet publiée en 2013 aux presses universitaires de Rennes. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Je me rappelle avoir lu aux premières pages d'un livre de Merleau-Ponty que la violence presque toujours était belle en image, c'est-à-dire dans l'art, et avoir ressenti une certaine tranquillité. J'avais alors 17 ans et j'étais effrayé de constater qu'en dépit de ma nature pacifique, la violence explicite ou implicite, raffinée ou cruelle, était une condition indispensable pour qu'un roman me persuadât de sa réalité et fût capable de m'enthousiasmer. Les œuvres exemptes de quelques doses de violence me paraissent irréelles. J'ai toujours préféré les romans qui feignent le réel, tout comme d'autres préfèrent ceux qui feignent l'irréel. Et l'irréalité, en règle générale, m'ennuie mortellement. Dans Madame Bovary, la violence imprègne l'histoire et se manifeste sur plusieurs plans. Depuis sa forme physique de la douleur et du sang, l'opération, gangrène et amputation de la jambe d'Hippolyte, l'empoisonnement d'Emma, ou la forme spirituelle de la rapine minutieuse, le marchand l'heureux, de l'égoïsme et de la couardise, Rodolphe Léon, jusqu'à ces formes sociales d'animalisation de l'être humain au moyen du vil travail et de l'exploitation, la vieille Catherine Leroux, qui a soigné durant 54 ans les animaux d'une ferme, reçoit, paralysée de confusion devant la foule des comices agricoles, une médaille d'argent qui vaut 25 francs. Et les gens l'entendent murmurer lorsqu'elle s'éloigne, qu'elle la remettra au curé pour qu'il lui dise des messes. Et principalement dans sa forme la plus généralisée de la bêtise et des coups fourrés que les hommes se font à eux-mêmes, leurs préjugés, leurs envies, leurs intrigues, sur cette toile de fond se détache comme de la neige dans la nuit noire l'imagination d'Emma. Extrait de L'orgie perpétuelle, un essai de Mario Vargas Llosa, lu par Sylvain Joubert. Bonjour Claire Sourpe. Bonjour. L'orgie perpétuelle, c'est cette étude que Vargas Llosa a consacrée à Flaubert. Et l'extrait que l'on vient d'entendre, eh bien, vous le reproduisez dans les premières lignes de votre introduction. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lignes, de la relation qu'entretient l'écrivain avec la question de la violence en littérature qui vous a intéressé ? Ben déjà, elle dit deux choses. La première, c'est que Mario Vargas Llosa se pose toujours comme lecteur avant de se poser comme écrivain, et que c'est dans ce qu'il puise de lecture de grands auteurs de la littérature, de tous les pays. En l'occurrence Flaubert, qu'il a aussi trouvé une façon d'apprivoiser ce qui peut se retrouver dans son écriture à lui, et en particulier au sujet de la violence. Cette idée que la violence est esthétique, c'est bien évidemment dans ce qu'il dit de l'œuvre de Flaubert, ce qu'on retrouve au niveau des thématiques, et c'est dans son œuvre à lui quelque chose qui va aussi être à l'œuvre, à la fois au niveau des thématiques et au niveau de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire que la violence est esthétique ? Ben c'est paradoxal. La première chose est certainement celle-là, parce que la violence telle qu'on l'imagine, on la pense toujours comme quelque chose qui va être dévastateur, qui va avoir un pouvoir mortifère ou un pouvoir d'anéantissement, alors que on se rend compte que la violence est aussi fondatrice, et qu'on revient d'une certaine façon à un des sens premiers de la violence, qui va permettre de rendre beau, donc au niveau bien évidemment d'images, de métaphores, de tout ce que les stratégies d'écriture peuvent convertir le réel, mais aussi au niveau de l'impact que va avoir cette violence-là. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a de l'attirance, de la fascination pour la violence chez Mario Vargas Llosa à partir du moment où il considère qu'elle est d'abord quelque chose d'esthétique et de beau ? Alors, il dit dans un de ses discours, le premier, lorsqu'il reçoit le prix Romulo Gallegos en 1967. Grand prix espagnol. Oui, dans un discours qui est vraiment particulièrement beau parce que c'est aussi le jeune auteur qui l'écrit, qu'il n'a pas de fascination particulière pour la violence, mais qu'il a conscience que les conditions, ses conditions de vie, les conditions d'écriture aussi pour un auteur dit du tiers-monde, font qu'il y a chez tout auteur une nécessaire insatisfaction pour écrire. Et que c'est cette insatisfaction-là qui est liée à la violence de l'expérience qui va ensuite être génératrice d'œuvres littéraires. Mais vous diriez qu'elle est belle, cette violence chez Vargas Llosa, vous personnellement en tant que lectrice, puisque le lecteur, oui, vous l'avez dit, est très important pour lui. Je pourrais difficilement dire autre chose. Elle est à la fois extrêmement émouvante dans les descriptions de tous ces corps mutilés qui hantent les pages de Vargas Llosa. Elle nous touche parfois plus particulièrement lorsqu'on est des lectrices femmes et lorsqu'on lit certaines scènes de viol. Il y en a beaucoup, des scènes de viol. Oui. Mais parce que, c'est certainement aussi à mettre en relation avec l'histoire de l'Amérique hispanique et avec ce premier métissage, cette première rencontre des corps Cortés et la Malinche, et donc cette idée qu'il y a malgré tout toujours eu la domination du corps de la femme par l'homme dominant. Ce sont toujours des femmes qui se font violer. Oui. Il y a dans un des textes, un essai de viol dans La ville et les chiens, mais la plupart du temps, si on pense à Pantaléon et les visiteuses, si on pense à La guerre de la fin du monde, si on pense à La fête au bouc, où là le viol est certainement le plus abject, le viol d'Urania par Trujillo, oui. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a aussi, et j'ai envie de dire en parallèle, des animaux qui se font violer. Et là, on est vraiment dans la violence la plus crue, comme par exemple dans La ville et les chiens, une poule qui meurt parce que les jeunes étudiants, les jeunes lycéens s'amusent à la violer tout simplement. Oui. Donc c'est le viol dans toutes ses formes, effectivement. On a commencé en parlant de Flaubert et de Madame Bovary. Quelle différence et quel point commun dans le rapport que Flaubert entretient avec la violence et que Mario Vargas Llosa entretient avec cette même violence. Ou quelle inspiration? L'inspiration, elle est aussi dans ce que dit toujours dans l'essai L'orgie perpétuelle Mario Vargas Llosa sur la lecture de la mort d'Emma. Il dit à un moment qu'il avait, dans les moments les plus difficiles de son existence, il relit cette agonie et que la première fois qu'il l'a lue, il avait l'impression, la citation est plus ou moins exacte, qu'Emma se tuait pour que lui puisse vivre. Pour que lui, en tant que lecteur, puisse vivre. Lui, en tant que lecteur, puisse vivre. Et donc, je pense que la force du texte de Flaubert, la force du récit, est là encore quelque chose qui a un impact extrêmement fort sur Vargas Llosa lecteur, et qu'il retrouve, et qu'il offre aussi, en tant qu'écrivain à ses lecteurs. Et quelle force trouve-t-il finalement, quelle force de vie trouve-t-il dans ce sacrifice d'Emma Bovary? L'accomplissement d'un personnage qui naît et qui meurt sous les yeux du lecteur, ce pouvoir de vie et de mort qu'a l'écrivain sur son œuvre et sur ses personnages, qui renvoie à l'idée qu'il expose dans un autre de ses essais, Gabriel Garcia Marquez, Histoire d'un déicide, où précisément l'écrivain commet un assassinat symbolique de la réalité. Il est ce déicide et il va créer sa création dans le texte. Et donc, c'est peut-être ce qu'on trouve ce qu'on peut comprendre dans la phrase de Vargas Llosa. Alors, cette violence, Claire Sourpe, elle est présente dès le début, dès son premier roman, on l'a dit, La ville et les chiens, publié à 27 ans. C'est dire combien cette thématique, au fond, est fondatrice chez lui. La ville et les chiens, ça ne fait pas vraiment partie de votre corpus. Vous vous êtes intéressé à des romans plus tardifs. Mais tout de même, je vous propose d'écouter un extrait, car il m'a semblé que la violence y était tellement bien représentée qu'on ne pouvait pas passer à côté. Un extrait de La ville et les chiens, lu par Marc de Géorgie. Les chiens furent livrés à ceux de deuxième depuis le déjeuner jusqu'au dîner, quelque chose comme 8 heures. Le dortoir était plein de fumée et d'uniformes. On entendait des rires et des cris. Il se sentit frappé dans le dos. Il tomba par terre, fit un tour sur lui-même et resta étendu. Il essaya bien de se relever. Impossible. Un pied s'était installé sur son estomac. 10 visages indifférents le contemplaient comme on contemple un insecte. Alors les visages ouvrirent la bouche et lui crachèrent dessus, pas une fois, mais plusieurs, à tel point qu'il dut fermer les yeux. Quand la bordée cessa, la même voix anonyme, une voix qui taraudait comme une vrille, répéta « Chantez-nous 100 fois, je suis un chien ». Cette fois, il obéit. Il avait perdu la notion de son corps et du temps. Il pensa « C'est fini ». Mais il venait seulement de commencer. « Vous êtes un chien ou vous êtes un être humain ?» demanda la voix. « Un chien, mon cadet. Dans ce cas, que faites-vous debout? Les chiens, ça marche à 4 pattes. » Il se courba, en posant les mains par terre. Ce feu qu'il sentait dans ses bras ressurgit avec plus d'intensité. Près de lui, ses yeux découvrirent un autre garçon, à 4 pattes également. Il ne se rappelle pas la tête du garçon qui fut baptisé en même temps que lui. Il devait appartenir à l'une des dernières sections vu qu'il était petit. Il avait le visage défiguré par la peur. Et à peine la voix se fut-elle tue, il s'avança vers lui en aboyant, en écumant. Et brusquement, il sentit à l'épaule une morsure, une vraie morsure de chien enragé. Alors tout son corps réagit. Et aboyant et mordant, il était persuadé que son corps s'était couvert d'un pelage rêche, que sa bouche était un museau pointu et que sur son dos, sa queue claquait comme un fouet. Ça, c'est un moment de bizutage, Claire Sourpe, dans La ville et les chiens. Est-ce que la manière dont il raconte cette scène vous semble emblématique de l'œuvre dans son ensemble et de la manière dont la violence est traitée par Mario Vargas Llosa dans son œuvre. Oui, mais je me suis surtout attachée dans l'extrait que vous avez lu au chien en tant que personnage finalement de l'œuvre. Et c'est quelque chose, c'est là encore une constante de l'écriture de Vargas Llosa, cette animalisation dont on a déjà parlé, avec qui fait écho à deux autres figures qu'on retrouve dans des textes postérieurs. À savoir dans L'Ituma dans les Andes, le tout début du roman, il y a une description qui est faite d'une vieille indienne qui vient donc annoncer la disparition de son mari, et donc elle parle quechua, une musique barbare, dit l'ituma, et la description s'attache au filet de salive qui coule de sa bouche, et donc là encore avec une violence dans la description qui est assez importante. Et le deuxième personnage auquel on peut penser, c'est le personnage absent qui a tué Palomino Molero, qui est un roman policier, plus ou moins. Oui, un roman policier qui dénonce le racisme. Et justement, ce personnage, Palomino Molero, est une des insultes à son encontre, c'est d'être un chien galeux. Mmh. Et là encore, ça renvoie à l'histoire de l'Amérique, hein, puisque dans l'étymologie du terme métis, cholo en espagnol, on revient au chien, en fait, le sens premier est celui-là. Donc il y a toujours ce rapport extrêmement fort dans la violence qui va être une violence verbale, hein, et dans le cas donc de Palomino Molero, mais qui renvoie à cette description que vous avez, qui a été lue. Ouais. Alors, il ne faut pas trop faire d'autobiographie, bien entendu, trop coller la biographie avec les œuvres, mais là, Mario Vargas Llosa l'a dit lui-même, la plupart de ses romans ont un fond autobiographique, et celui-là en particulier, puisqu'il s'agit de raconter, de se baser plutôt sur les deux années qu'il a passées dans cet internat, le Colegio Leoncio Prado, pour raconter son histoire. Du coup, la violence telle qu'il la raconte est d'autant plus saisissante, et on saisit à quel point il a vécu de manière sans doute très traumatique ces deux années-là. Est-ce que c'est également votre analyse, ou est-ce que la littérature a beaucoup, beaucoup amplifié, selon vous, son expérience ? Elle ne l'a certainement pas amplifié tant que ça, dans la mesure où lorsque le roman a été publié, il a été brûlé dans la cour du collège militaire. Hein. Donc c'est à penser que les lecteurs du roman sur place l'ont trouvé extrêmement réaliste. Alors c'est d'ailleurs très drôle, parce que quand on va sur le site internet du Colegio Leoncio Prado, je vous invite à le faire, il y a une vidéo qui se vante finalement d'avoir eu comme élève le prix Nobel de littérature 2010 en la personne de Mario Vargas Llosa, alors qu'évidemment c'était des gens qui ont brûlé quand même, qui ont brûlé ses livres. Sur l'évolution de Mario Vargas Llosa dans son écriture de la violence, est-ce que entre son écriture des débuts qu'on vient d'entendre et ce qu'il continue aujourd'hui de produire, il y a une grande évolution? Alors il y a des constantes. L'évolution, elle est due au fait que Mario Vargas Llosa dit que pour lui le plus grand défi, c'est de toujours se renouveler au niveau des genres en particulier, et de son écriture d'un roman à l'autre. Mais il y a des constantes dans la mesure où ce qu'on trouvait dans les premiers romans, et qui vont être les techniques d'écriture qui sont les techniques du nouveau roman hispano-américain, du boom, se retrouve au fur et à mesure. Albert Bensoussan, hier, vous parlez des voix multiples qu'on entend dans les chapitres, et c'est vrai que la polyphonie va être un des éléments qui va traverser l'ensemble de l'œuvre, et qui, là encore, du point de vue du lecteur, peut être un élément qui lui fait violence, parce que même lorsqu'il a compris que c'est un mécanisme rodé, il est parfois difficile d'entrer dans le texte, justement parce que ces voix multiples brouillent un peu la linéarité du récit. Et ça, c'est volontaire, c'est pour faire ressentir une forme de violence au lecteur. Je ne sais pas si c'est volontaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est le résultat qui, enfin, de cette écriture-là. La volonté, elle est certainement due au fait que il y a enfin, chez les romanciers du boom, cette volonté de recréer un monde total, et que pour rendre compte de la complexité du monde, il faut multiplier les perspectives. Allez, un autre exemple de violence dans les textes de Mario Vargas Llosa, avec cet extrait de Lituma dans les Andes que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure, Claire Sourpe. On les exécuta en les faisant s'agenouiller, la tête appuyée contre la margelle du puits. On les tenait bien fermement, tandis que les habitants, à tour de rôle, les frappaient avec les pierres qu'ils ramassaient sur le chantier de construction, près de la maison communale. La milice ne prit pas part aux exécutions. Pas un coup de feu ne fut tiré. On ne donna pas un coup de couteau. On n'usa pas de la machette. Les mains, les pierres et les bâtons suffirent. Car allait-on gaspiller pour des rats et des scorpions les munitions du peuple? En agissant, en exécutant la justice populaire, les gens d'Andamarca prendraient conscience de leur pouvoir. C'était un destin irrémédiable. Ils n'étaient plus des victimes, ils étaient désormais des libérateurs. Puis vint le jugement des mauvais citoyens, des mauvais maris, des mauvaises épouses, des parasites sociaux, des dégénérés, des putains, des pédés, des indignités d'Andamarca, détritus putréfiés que le régime capitaliste féodal, soutenu par l'impérialisme américain et le révisionnisme soviétique, favorisait pour endormir l'esprit combatif des masses. Cela aussi changerait. Dans l'incendie purificateur de la prairie qu'était la Révolution, brûlerait l'individualisme égoïste bourgeois et surgirait l'esprit collectiviste et la solidarité de classe. Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors là, Claire Sourpe, on est dans une forme de violence qui est directement politique. C'est là aussi l'un des grands thèmes et l'une des grandes déclinaisons de cette violence par Mario Vargas Llosa. Oui, donc Lituma dans les Andes, c'est publié en 1993, donc il y a déjà une grosse dizaine d'années depuis le début des années 80 que Sentier Lumineux commet des exactions dans les Andes et dans la capitale. Sentier Lumineux qui est un mouvement maoïste. Oui. On est là dans un des épisodes qui est une fausse piste donnée au lecteur, puisque il s'agit de dans la structure de Lituma dans les Andes, des points comme ça faits sur des attaques de sentiers lumineux contre des touristes étrangers, contre là une communauté andine à Andamarca. Précisément, c'est le moment du lynchage après cette justice populaire qui relève davantage de la vengeance. On voit que les habitants vont lyncher les personnes qui sont jugées. Donc la violence, elle descend pas forcément toujours du haut, comme quand il parle des dictateurs, mais elle est entre les personnes qui font une même communauté. Oui, et c'est quelque chose qui a été vrai pendant ce qu'on appelle la guerre sale, donc le moment de l'opposition entre les forces armées péruviennes et Sentier Lumineux, puisqu'il y a eu des groupements paysans qui se sont mis en place pour essayer de contrer les attaques successives de Sentier Lumineux ou des forces armées, et ça a donné la possibilité, malheureusement, d'arriver à des exactions qui relevaient davantage de la vengeance. Donc oui, il y a une violence qui vient aussi d'en bas. Sur cette question, justement, je propose d'écouter Mario Vargas Llosa. En fait, c'est un roman, je crois, sur les différentes formes de violence dont est victime cette région de l'Amérique du Sud. Une violence politique, une violence sociale, la violence du terrorisme, une violence ancestrale, plutôt d'une tradition irrationnelle, des respects aux anciennes croyances et superstitions, un monde qui était comme enterrés pendant des siècles, hein, des générations, et qui a ressurgi un peu appelé par cette violence brutale qui s'est déchaînée sur les Andes à partir du terrorisme politique des Sentiers Lumineux et les contre-terrorismes, hein, celui de la répression qui a été aussi brutale, et toute la pauvreté, la misère, hein, toutes les souffrances qui se sont originées à partir de ça. Tout ça a fait ressurgir, n'est-ce pas, des vieilles croyances, des vieux rites, hein, ou rituels, qui sont aussi une autre source de violence. Le rite, le rituel, ça aussi c'est une source de violence. On lui a beaucoup reproché à Mario Vargas Llosa, en France en tout cas, d'être peut-être trop individualiste, trop libéral. Mais au fond, il semble que la liberté pour lui, c'est la liberté d'échapper au rituel, d'échapper à une société qui génère, elle aussi, sans en avoir l'air, sans le dire, de la violence entre les gens. Ce qui est sûr, c'est que dans tous ses romans, on retrouve une dénonciation du fanatisme, quel qu'il soit. Et dans Lituma dans les Andes et en relation avec l'extrait que vous venez de diffuser, il met l'accent sur la violence politique d'une part et sur la violence rituelle, ancestrale d'autre part. Et c'est vrai qu'il reconnaît lui-même qu'il n'aurait pas pu écrire Lituma dans les Andes tel qu'il l'a écrit s'il n'avait pas été confronté, lui, à cette violence. Et là, c'est lié à un épisode dramatique, hein, du début de l'insurrection populaire en 1983. Un groupe de 8 journalistes va dans les Andes, dans une communauté qui s'appelle Uturacay, et ils sont massacrés par les paysans de la communauté. Croyant qu'il s'agissait de terroristes. Oui, croyant qu'il s'agissait de terroristes. Et donc, Mario Vargas Llosa est dépêché, il est à la tête d'une commission de 3 intellectuels, constituée de 3 intellectuels, pour mener l'enquête, pour savoir véritablement ce qui a pu se passer dans la communauté. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre véritablement les Andes, cette utopie archaïque dont il parle par ailleurs et qui est chère à un autre écrivain péruvien, Arguedas. Et à ce moment-là, donc, il prend conscience que le Pérou est un Pérou extrêmement disparate, et il l'avoue lui-même. Et donc, c'est quelque chose qui vient le frapper de plein fouet et dont il rend compte dans le texte, avec du coup cette double piste. Dans une première partie, donc les attaques de Sentiers Lumineux qui sembleraient donc être la cause des disparitions, et dans la deuxième partie, le récit qui est fait par le personnage féminin qui va raconter donc les croyances, les superstitions, et en particulier donc le pishtaco, qui est une créature des Andes qui vide les hommes de leur graisse, et les hommes en meurent. Et donc on arrive au dénouement du roman grâce à cette deuxième piste. Donc on a l'histoire du Pérou qui est une illustration des multiples manières que la violence a de se déployer dans le monde. Il utilise cette histoire pour faire une fable, finalement, de ce qu'il souhaite raconter. Oui, parce que dans les différents ouvrages, il revient sur tous les éléments marquants aussi qui expliquent que le Pérou, que la situation du Pérou est celle qu'elle est dans la période dans laquelle il écrit. Et c'est une tradition de la violence. Il y a de nombreux historiens qui se sont penchés là-dessus pour voir justement que cette construction-là, elle se fait depuis la période Inca jusqu'à la période contemporaine. Alors vous parlez, Claire Sourpe, de son intervention dans cette affaire du Sentier Lumineux. Est-ce qu'on peut dire que Mario Vargas Llosa est, sinon un écrivain engagé, au moins un écrivain révolté ? Oui. Dans le sens, bien évidemment, de cet homme révolté de Camus. Camus était une de ses lectures. Il y a un texte qui réfléchit à la place de Vargas Llosa entre Sartre et Camus. Et ce désamour pour Sartre à partir du moment où il dit que dans les pays sous-développés, il faut peut-être laisser de côté l'engagement littéraire pour faire des choses plus utiles. Et à ce moment-là, donc, il adopte davantage la pensée de Camus. Une position qui est davantage aussi du côté de, pas de l'art pour l'art, mais enfin en tout cas d'une littérature plus pure que celle que Sartre souhaite mettre en avant. Oui, mais tout en continuant de penser, parce que c'est là aussi quelque chose qu'il dit, que les mots sont des actes. Et donc il est convaincu de ce pouvoir-là et il réfléchit sur la littérature et la politique. Et il le mène à bien. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Claire Sourpe, on marque comme chaque jour une pause dans la compagnie des auteurs, le temps d'aller voir ce qui se passe du côté des revues aujourd'hui avec Alexis Broca du magazine littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. Mais avant de parler de votre sommaire, je me souviens que vous m'aviez confié à quel point vous aimiez les écrivains du boom latino-américain. Quelle est la place de Mario Vargas Llosa dans cet enthousiasme ? Oh bah écoutez, la place de Mario Vargas Llosa est centrale dans cet enthousiasme puisque je l'ai découvert à 15 ans. Et c'est lui que vous préférez, à Garcia Marquez ? J'aime beaucoup Garcia Marquez si vous voulez. Moi je suis un grand fan de L'automne du patriarche par exemple, évidemment de Cent ans de solitude. Mais je pense qu'il y a chez Mario Vargas Llosa une capacité de se réinventer et en même temps une constance qui le met dans mon petit panthéon personnel, au-dessus. Voilà. Et alors chez vous, ce qui l'intéresse le plus, vous allez voir, je sais tout, c'est l'idéaliste, les personnages d'idéalistes dans ces romans. Oui, alors ça revient à ce que vous disiez. En effet, ce qui m'intéresse beaucoup chez Vargas Llosa, c'est la façon dont il met en scène des sortes de crash tests littéraires, en mettant en scène des personnages qui sont des idéalistes, des gens qui sont toqués par une marotte ou une idée politique. Mais qui vont se cracher, c'est et ça. Et qui vont la pousser jusqu'au bout et qui vont s'écrabouiller joliment contre le mur de la réalité. Par exemple, il y en a un qui est particulièrement cher à mon cœur, c'est le Pantaléon, le héros de Pantaléon et les visiteuses. Alors lui, en fait, Pantaléon, son idéal est assez modeste, puisque c'est un officier qui est épris de discipline et de rectitude militaire. Il est extrêmement coincé. Et en fait, au début du roman, il y a des officiers facétieux qui sont... ils sont confrontés à un problème, c'est que la soldatesque péruvienne est trop virile et donc elle commet des agressions dans les garnisons. Des viols, encore une fois, des viols, effectivement, dans la selva, dans les garnisons qui sont postées dans la jungle. Et donc les officiers décident de créer un service, discrètement, hein, parce que le Pérou est un pays très religieux, ils décident de créer un service de prostitution militaire. Et la bonne blague, c'est qu'ils le confient à Pantaléon. Et Pantaléon, il va prendre sa tâche extrêmement au sérieux. C'est-à-dire qu'il va mener des tests sur les performances comparées des prostituées. Il va réfléchir à l'influence de l'ingestion de viande de dauphin rouge sur la sexualité de la soldatesque péruvienne. C'est très scientifique. Ah, c'est très scientifique. Il va même inventer un hymne pour ces prostituées qu'il appelle poliment les visiteuses. Enfin, il va vraiment se passionner pour son travail, si j'ose dire. Et ça va être un extraordinaire succès. Et ce succès va être une catastrophe parce que Pantaléon va devenir une forme de légende de la prostitution colportée par la radio notamment. Radio. Ça se passe dans un Pérou où sévit en plus une secte d'autres idéalistes, une secte de religieux obsédés par la crucifixion. Et les deux vont collisionner effectivement de façon extrêmement violente. Donc en fait, ce qui fait l'idéalisme chez Mario Vargas Llosa, ça peut être n'importe quoi. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la figure de l'idéaliste plutôt que le fait idéaliste. Il se moque en fait des gens qui prennent leur opinion qui poussent leur opinion jusqu'à en faire une certitude absolue. Je sais pas, dans L'attente de Julia, on parle de Pedro Camacho, le, qui tente de, d'intégrer dans tous ses feuilletons radiophoniques toute la société péruvienne et qui n'y arrive pas parce qu'il n'a pas les moyens de son ambition. Mais il y a aussi d'autres figures plus graves. Hein, je pense au conseiller de la guerre de la fin du monde. Lui, c'est un religieux, un prédicateur qui va par les chemins du nord-est brésilien pour en fait recruter des disciples avec lesquels il va former un phalanstère. Et dans ce livre, il y a vraiment toute l'ambiguïté de Vargas Llosa sur cet idéalisme, parce que on voit bien que ce phalanstère va résister à 4 attaques de l'armée brésilienne, et on voit bien qu'il a de la sympathie pour les membres du phalanstère de Canudos, et en même temps on voit bien qu'il trouve absolument délirante la dévotion qu'ils éprouvent pour ce conseiller. Cette dévotion prend des formes d'ailleurs assez eschatologiques et obscènes et assez drôles. Bon, voilà. Je vois que vous êtes absolument intarissable sur Vargas Llosa. Non, juste une dernière question quand même. Alors du coup, c'est en empathie que vous êtes avec ces idéalistes? Qu'est-ce qui vous touche en fait en particulier? Pourquoi est-ce que c'est là-dessus? C'est sans doute une tentation personnelle, l'idéalisme. On a tous sans doute... Vous n'êtes pas un crash test, vous? Non, mais j'ai lu beaucoup de chansons de geste dans ma jeunesse. D'ailleurs, Vargas Llosa est très intéressé par une chanson de geste qui est un peu... qui s'appelle Tirant l'eau blanc, qui est un peu le chaînon manquant entre les chansons de geste traditionnelles, hyperboliques, et le Quichotte de Cervantes qui s'en moque. D'un côté, effectivement, c'est toujours sublime et très beau, ces histoires de grands personnages qui... agissent guidés par des idéaux très nobles. Et en même temps, c'est toujours intéressant et moderne de montrer à quel point ils échouent face à une réalité qui elle, est complexe et nuancée et qui s'accommode mal, justement, de propos fanatiques, en fait, des attitudes fanatiques. Ouais. Alors, venons-en tout de même au sommaire du magazine littéraire, dont le dossier est consacré ce mois-ci à Molière. Pourquoi Molière, Alexis? Il y a un lien, en effet, entre Vargas Llosa et Molière. On va parler un petit Bien peu. Bien sûr, il est évident. Il n'est pas évident comme ça, mais voilà. Bon, pourquoi Molière? Déjà parce qu'on ne l'avait pas traité depuis très longtemps et qu'il incarne proprement la littérature française. On dit la langue de Molière, comme on dit la langue de Cervantes ou celle de Shakespeare. Et puis, Houellebecq dit la langue de Donald Duck. C'est vrai. Quand on donne dans cette esthétique particulière de Houellebecq, en effet, je comprends qu'on dise la langue de Donald Duck. Bon, surtout aussi parce que lorsqu'on s'intéresse là aussi un petit peu à Molière, on voit bien que Molière, lui aussi, dégonfle des figures de fanatiques. Lui, il le fait par le rire, il le fait par une pensée comique. Et comme l'écrit Patrick Dandré, qui est l'universitaire qui a dirigé ce dossier, rien n'est moins unilatéral que la pensée comique. Et cette pensée comique, en fait, est un bon vaccin contre les... multiples fanatistes qui grèvent le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc vous revenez sur sa vie, et puis il y a aussi un entretien avec Fabrice Luchini. Voilà, qui le tire du côté de Céline de façon assez intéressante, et qui s'intéresse au côté réaliste de Molière, la façon dont il capte des paroles réelles dans son milieu pour créer ses pièces. Voilà. Eh bien, merci Alexis, tout cela est donc à lire dans le magazine littéraire en ce moment en kiosque, c'est le numéro 575. Et on continue d'explorer le thème de la violence à l'œuvre dans les romans de Mario Vargas Llosa. Je suis en compagnie de Claire Sourpe, maître de conférence à l'université Rennes 2. Je crois que la violence fait partie des rapports humains et de la condition humaine. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de la réduire, de la contenir. Mais je crois qu'il faut reconnaître que la violence est là. Et quoi que pour moi est encore pire, c'est qu'il y a dans la nature humaine une certaine propension, hein, une certaine tendance à la violence. Je crois que c'est pour ça qu'il faut trouver une manière de canaliser cette violence de telle façon qu'elle ne soit pas destructive, mais plutôt créative, qu'elle contribue, n'est-ce pas, au progrès humain au lieu de la destruction humaine. Et pour moi, ça, je l'ai appris en lisant Georges Bataille. Cette idée de Bataille, que la littérature, elle est mal, qu'à travers la littérature, trouve un droit de cité. Tout ce que la cité est obligée de réprimer pour faire la vie en cohabitation possible, mais par une idée très convaincante. C'est pour ça que parfois les livres sont comme des explosifs, hein, et quoique ils gardent une violence que nous ne pourrions pas tolérer dans la vie réelle, nous sommes fascinés et nous admirons et nous jouissons avec ces images-là de la littérature. La violence, Claire Sourpe, au fond, nous dit Mario Vargas Llosa, il ne faut pas la nier, il faut l'accueillir, il faut en faire de la littérature. Oui, mais je pense que, c'est une forme de genèse aussi. Enfin, le verbe, hein, c'est le commencement, et lorsque la violence est là et que la menace du chaos se fait, il faut aussi résister par le verbe, et donc écrire, hein, pour la contrer, pour la mettre en mots. La mettre en mots, d'une certaine façon, c'est la discipliner, c'est lui donner un sens. Et donc essayer, vous parliez de l'engagement tout à l'heure, hein, et c'est aussi en cela que l'auteur est engagé. Par ce choix de ne pas l'oblitérer, il dit lui-même qu'il ne croit pas à la littérature, hein, qu'il appelle littérature light. Il pense que seule la littérature qui persistera sera celle qui justement a ce pouvoir politique dont nous parlions au sens large du terme, bien évidemment, c'est-à-dire de changer le lecteur. Mmh. Et là, violence dans la littérature, elle a un pouvoir cathartique. C'est là où vraisemblablement les responsables du lycée Leoncio Prado, quand ils brûlent la ville et les chiens, ils ne comprennent pas que c'est en fait une soupape qu'ils sont en train de brûler, un monde imaginaire qui permet à la société de vivre dans cette violence sans peut-être trop se révolter. Oui, elle est cathartique aussi lorsqu'on voit les personnages d'écrivains dans le texte, dans les œuvres de Vargas Llosa, ou de façon plus large les personnages de conteurs. Si on pense à l'homme qui parle, hein, et si on pense à ces groupes, donc au Machiganga qui écoute l'homme qui parle, hein, il y a aussi dans les récits qu'ils entendent, qui sont les récits de la cosmogonie, mais aussi des éléments davantage liés à leur histoire, l'extraction du caoutchouc par exemple, ça permet de les libérer aussi de leur tension, et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure de cette figure d'Emma Bovary qui se tue pour que l'auteur, lecteur puisse vivre. Alors, vous avez dans votre livre étudié non seulement les thèmes, comme on en parle depuis le début de cette émission, mais vous avez souhaité aussi parler de manière plus théorique de la violence dans les textes, dans l'écriture des textes. Et vous avez commencé par analyser très précisément un certain nombre de choses, comme par exemple ce que Gérard Genette appelle les seuils, c'est-à-dire les titres, les sous-titres, les préfaces, les avant-propos, les exergues. Papa, sur ce que Mario Vargas Llosa a mis dans son écriture de violence, caché finalement dans le texte, la structure du texte, que pouvez-vous nous dire ? La violence, elle est aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas une séparation fond-forme. On a vraiment une écriture qui est au service de la thématique, et qui du coup va aussi peut-être perdre le lecteur lorsque vous et moi lisons pour nous divertir, on ne pense pas forcément à chercher ces techniques-là, mais on le ressent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vrai pour les seuils, mais qui est surtout vrai au niveau de la construction des chapitres. Ou si on pense à la guerre de la fin du monde ou à l'Ituma dans les Andes, plus particulièrement, la guerre de la fin du monde, enfin c'est vraiment un fourmillement de personnages, d'actions, et donc on est souvent des personnages ont des noms qui sont proches, donc on est parfois perdu à la lecture. Et quand on s'attache au texte et qu'on regarde de façon assez minutieuse la composition des chapitres, on voit qu'il y a une structure qui est là et qui ne change pas d'une partie à l'autre. Et ça, le lecteur ne le ressent plus parce qu'il est complètement pris par l'histoire. Et donc, il y a une organisation du chaos, mais qui n'amenuise pas le travail de conteur de l'auteur par ailleurs. Et la narration reste prégnante, mais on sait que Mario Vargas Llosa travaille et retravaille énormément ses manuscrits, et on le comprend beaucoup mieux quand vous nous expliquez à quel point finalement ces structures sont imbriquées, cachées, comme un échafaudage sur une maison qu'on aurait ensuite retirée et que du coup on ne voit plus. Et vous parliez des seuils. Si on pense au titre, dans les titres, il y a parfois aussi des indications de ce qu'on, enfin, bien évidemment, de ce qu'on va trouver dans le livre, mais aussi de la structure des livres. Si on pense à La Tante Julie et le Scribouillard, par exemple, oui. On a déjà cette annonce. Alors, c'était pas le premier titre, c'était le premier titre, mais c'était pas celui que Vargas Llosa voulait donner. Il avait pensé à Vie et Miracle de Pedro Camacho. Et puis finalement, il est revenu à La Tante Julie et le Scribouillard, qui indique qu'il va y avoir une double structure. Et justement, tout l'intérêt de la conjonction de coordination aussi, c'est de montrer qu'il va y avoir des liens entre les deux histoires, puisqu'à un moment, Julia dit au narrateur Marito que leur histoire, les amours d'un bébé et d'une vieille dame, pourrait être matière d'un bébé de 19 ans et d'une vieille dame de 33. Oui, à feuilleton radiophonique. Et donc, on a des éléments des deux niveaux de narration qui se chevauchent et qui entrent en communication. Et puis, dernier exemple qu'on pourrait prendre, c'est les monologues, parce que le monologue, ça illustre finalement le pouvoir de celui qui a la parole et qui ne lâche pas la parole. Oui, alors ça, on l'a en particulier, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans la Fête au Bouc, où il y a une instrumentalisation de la parole, et à l'inverse, il y a aussi pas mal de personnages qui sont muets ou aphasiques dans l'œuvre de Vargas Llosa. Et la perte de parole, elle est aussi perte de pouvoir. Et c'est ce qu'on a aussi dans La Fête au Bouc. About my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling, falling, falling. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous parlons de Mario Vargas Llosa avec Claire Soupe, et en particulier de la question de la violence. La violence, c'est aussi la figure du père. Claire Sourpe, qui est récurrente et qui représente l'autorité. Alors, on a déjà beaucoup dit dans cette émission comment biographiquement ça pouvait se comprendre, puisque les rapports de Mario Vargas Llosa avec son père n'étaient pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous-même, vous ajoutez à cette première analyse une analyse plus profonde sur la question de l'autorité. Oui. Donc effectivement, vous êtes revenu, enfin dans les deux émissions précédentes, sur la figure du père. Le père qui donc soit est présent et extrêmement violent, comme dans La Tante Julie et le Scribouillard, ou qui est absent, comme dans Pantaléon et les Visiteuses, par exemple. Il y a dans La Fête au Bouc en particulier une superposition des deux figures, celle d'autorité du dictateur. Du dictateur Trujillo, qui est à la fois père de la patrie. Et qui est lui-même père de deux enfants. Et lui-même père de deux enfants qu'il n'arrive pas forcément à mettre sous sa coupe. C'est à peu près les seules personnes qui ne respectent pas les décrets de Trujillo. Oui, donc c'est quelque chose qu'il vit extrêmement mal, puisqu'il n'a pas la main de fer qu'il voudrait avoir sur sa progéniture, et qui pourtant montre qu'il y a quand même un legs de cette autorité paternelle, puisque après le tyrannicide, après la mort de Trujillo, son fils est un des plus fervents partisans donc de la répression et de la torture des opposants au régime. Donc on n'échappe pas finalement à l'hérédité chez Mario Vargas Llosa. C'est ce qu'il semble. Et alors évidemment, l'autre père dans ce même roman, c'est le père d'Urania, la jeune fille de 14 ans qui est donnée, dont on donne finalement la virginité à Trujillo. Et c'est le père de Urania qui donne sa fille au dictateur. Oui. La violence, au niveau des pères, elle est présente donc à travers Augustine Cabral, le père d'Urania, donc qui, comme vous le disiez, la livre au dictateur puisqu'il est tombé en disgrâce. Voilà. Le dictateur, c'est le bouc, hein, oui, c'est le bouc. Qui a 70 et quelques années quand elle en a 14. Et qui veut retrouver les bonnes grâces du dictateur en lui offrant sa fille. Et ça ne fonctionne pas, et donc il y a une séparation à ce moment-là et des retrouvailles, et donc c'est une des trames du roman, les retrouvailles entre le personnage féminin et son père. À un moment où donc lui ne peut plus s'exprimer, lorsqu'il y a des descriptions assez émouvantes de ses cris, de ses gémissements du père. Parce qu'il est trop âgé et malade. Oui, parce qu'il est malade et que donc il ne peut plus parler autrement que par le regard et par ses cris animaux. Et là, il y a une vengeance d'Urania sur son père. On voit qu'elle est satisfaite de cette situation là et qu'elle elle revient sur, alors de façon indirecte, puisque le lecteur ne sait qu'à la fin du roman ce qui lui est arrivé, bien qu'il en ait des intuitions auparavant. Mais oui, il y a un renversement dans cette relation de pouvoir liée à la parole, puisque la parole du sénateur a été donnée à un des hommes de main de Trujillo qui met en place cette rencontre entre l'adolescente et le patriarche à son automne, pour reprendre Garcia Marquez. Et par ailleurs, c'est elle maintenant qui est en position, elle est devenue avocate, donc c'est elle qui a la succès, parole. Elle vit à New York. Oui, et donc c'est elle qui a pris ce pouvoir-là. Quel est le statut des victimes en tant que personnage dans tous ces romans, Claire Sourpe? Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres personnages que des personnages de victimes. Sachant même que Trujillo est une victime, du coup. Il se fait assassiner. Narratologiquement parlant, il est victime puisqu'il est tué. Ensuite, on voit dans la réflexion du Turc, un des opposants, qu'il y a toute légitimité au tyrannicide, et que donc et en particulier dans la somme théologique. C'est aussi, si on le prend au sens premier, son jugement de son action par ailleurs. Ce qui est aussi difficile. Mais c'est aussi une victime. En fait, il y a des personnages qui ont un double statut, c'est-à-dire que la violence se retourne contre eux, et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut dire qu'ils sont à la fois objets et jouets de la violence. Et donc, et c'est là où il n'est pas manichéen, et où il montre justement qu'il n'y a pas lieu d'être trop manichéen. Oui, et c'est aussi ce qu'il fait, si on poursuit sur le personnage de Trujillo, qu'on ne peut pas ne pas juger, bien évidemment. Lorsque dans les chapitres donc qui focalisent sur ce personnage-là, on pénètre ses pensées, et donc on a à la fois ce rejet pour ce dictateur sanguinaire qui ne rechigne pas aux tortures et aux exactions les plus basses, et qui par ailleurs est présenté aussi dans son humanité déclinante, et qui du coup à ce titre-là bien évidemment est plus humain que si la perspective était une perspective qui focalisait le personnage de l'extérieur, en fait. Et c'est là où on peut vraiment parler d'humanisme à tous les plans chez Mario Vargas Llosa. Oui, sans aucun doute. Merci beaucoup Claire Sourpe d'être venue nous parler de cette question de la violence chez le prix Nobel hispano-péruvien de littérature. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mario Vargas Llosa, une écriture de la violence, c'est disponible aux presses universitaires de Rennes. Demain, pour notre dernier épisode, Guy Scarpetta nous parlera en particulier de deux romans, La fête au bouc, dont on a déjà commencé à parler, et Tante Julia et le Scribouillard. Et puis en seconde partie, je recevrai Zoé Valdès, qui viendra, elle, nous dire l'influence que Vargas Llosa a eue sur son propre travail. Tout de suite sur France Culture, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé. Il lit des textes d'Éric De Luca. Bonjour. Au troisième jour d'Aller simple d'Éric De Luca, poème traduit de l'italien par Daniel Valle. Nous sommes à bord d'une barque égarée qui arrive sur les côtes de l'Italie. Des mains m'ont saisi, douanier du Nord, gants en plastique et masque sur la bouche. Ils séparent les morts des vivants, voici la récolte de la mer. 1000 de nous enfermés dans un endroit pour 100. Italia, Italia. Est-ce ça, l'Italia? Ils ont un joli nom pour leur pays, des voyelles pleines d'air. On dit Italia, et ici c'est une de ces îles, de Capre, de pêche et de nous autres enfermés. J'ignore ce qu'est une île, je demande et il répond, une terre plantée au milieu de la mer. Et elle ne bouge pas? Non, c'est une terre prisonnière des vagues, comme nous de l'enclos. Une île n'est pas une arrivée. Surveillés par des gardes, nous sommes coupables de voyage. Il y a plus d'espace que sur le bateau, des rations d'eau et pas de faim. Je cherche l'ancien pour demander si cette cour de passage barrée est du communisme. Puis je me souviens, j'ai fermé ses yeux secs avec des nuages dedans à la place des pensées. Ce n'est pas du communisme, c'est un enclos et nous sommes du bétail. Encore moins que ça, dit un des mille. Nous ne sommes ni à lait, ni à viande, mais à travail. Ils ne veulent pas de nous, et basta. Sur la terre ferme, les hommes reviennent aux prières, aux rectangles de tissu pour s'incliner vers l'Orient. Elles sont belles, les plantes de pieds déchaussés qui prient. Leur voix et le bruit des abeilles qui remercient les fleurs. Nous racontons les routes parcourues, des pas sur 1 million de kilomètres finis face au mur. Les enfants, sur la pointe des pieds, explorent la cour, galopent dans des damiers de centimètres. Ils passent au-dessus des vieux couchés sur le côté, sans trébucher sur les vivants et les morts. Nos enfants, acrobates de voyage, clowns, sorciers, petits soldats. Ils veulent nous renvoyer. Ils demandent où j'étais avant, quel lieu laisser derrière moi. Je tourne le dos, c'est tout l'arrière qu'il me reste. Ils se vexent, pour eux ce n'est pas une deuxième face. Nous, nous honorons la nuque d'où s'élance l'avenir, qui n'est pas devant, mais qui arrive par derrière et en jambes. Tu dois rentrer à la maison. Si j'en avais une, je serais resté. Même les assassins ne veulent plus de nous. Remettez-nous dans le bateau, chassez-nous en hommes. Nous ne sommes pas des bagages à expédier, et toi, Nord, tu n'es pas digne de toi-même. Notre terre engloutie n'existe pas sous nos pieds. Notre panne est un bateau, une coquille ouverte. Vous pouvez repousser, non pas ramener. Le départ n'est que cendre dispersée. Nous sommes des allées simples. Jacques Bonafé sur France Culture, où il est bientôt 16h, le moment de retrouver la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.